4:35, activation, oral, present indicative of ER verbs. Answer according to the example. You hear, 1. Est-ce que tu arrives? You say, oui, j'arrive. 2. Est-ce que tu parles français? Oui, je parle français. 3. Est-ce que tu étudies? Oui, j'étudie. 4. Tu commences? Oui, je commence. 5. Vous écoutez tous les deux? Oui, nous écoutons. 6. Est-ce que vous aimez parler français tous les deux? Oui, nous aimons parler français. 7. Est-ce que Robert parle bien français? Oui, il parle bien français. 8. Est-ce que Mireille aime discuter? Oui, elle aime discuter. 9. Est-ce qu'ils aiment ça? Oui, ils aiment ça.